auront suffisamment de science pour instruire d'autres intervenants qui sont dans le niveau local et qui viennent de temps en temps pour démontrer à l'humanité qu'il existe d'autres êtres dans l'univers que dans l'univers. Merci beaucoup, Bernard. À la prochaine.